Alors à ce qui paraît, y'a de plus en plus de gars qui se mettent à rapper. Et pourtant toujours autant de merde sur le marché. Pour l'industrie du disque, si tu la croises. Dis-lui que j'arrive avec mes straps, ma pince et ma batte. J'ai la haine, ça se voit, même plus la peine que je bois ou que je kiffe. J'ai sauté dans un train d'enfer, j'ai balancé deux skins, un iloutier et trois militaires durant. Rien à voir, mais dis-moi où ça mène, demande à Naïm Durand. Un bâtard à la tête rouge de la police me dit, hey, tu te rends. J'ai dit, pose ton arme, je sors mon mic et je te rends. La monnaie x10, je traque les mauvais flics et je chasse les rappeurs en grosse caisse. N'aie pas peur, je veux juste ta femme, celle aux grosses fesses. Et si tu veux pas que ça arrive, tiens-la bien en laisse. Et laisse-lui du laisse juste pour pisser. Je suis un vrai cauchemar pour qui. Si tu me cherches, regarde où ça merde. Y'en a qui cherchent toujours où ça marre. D'avoir fait le ouf, tu vois où ça mène. Je te traque, je te chope, je te ken depuis des années. C'est toujours la même scène, je te traîne pour te canner. Le crew déjà mort fils, c'est toujours hardcore fils. Je baisse les MC par paquet douce. Parti en cool depuis 93. Les mots s'éjectent de ma bouche comme les doux d'un 92R. Ramène ta meuf et ses grosses fesses, que je la fourre à l'arrière d'une grosse caisse. À matière pro, on se laisse faire les boss, laisse faire les experts. Dans le rap game, ma main, je suis ratio Kane. Les rappeurs d'ici veulent s'exiler à Miami pour changer de sexe et se faire appeler Naomi. Une gorgée de clan Campbell et Mahomi, juste l'aurait dit. La putain de sa mère, voilà un putain de son qui déchire. La putain de leur mère, quand est-ce que ces bâtards vont mourir? Toujours pas décidé à partir, on vient pour pourrir l'ambiance. Toujours pas prêt de lâcher l'affaire, prépare-toi à courir la putain de ta race. Get your ass up and let's get ill. Get your ass up, get your ass up. Get your ass up and let's get ill. Get your ass up, get your ass up and let's get ill. Get your ass up, get your ass up. Get your ass up and let's get ill. Get your ass up, get your ass up and let's get ill. Get your ass up, get your ass up. Get your ass up and let's get ill. Get your ass up, get your ass up and let's get ill.